بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المقتنيكي حفظه الله تعالى. 30e leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب donc on est toujours dans le Kitab Tahara, le livre de la purification. وفي باب المسح على الخفين. السياج صلخوف. فقال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 56 وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالري لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وراء ظاهر خفي أخرجه أبو داود بإسناد حسن. Donc selon Ali, radiallahu anhu, qu'il est dit que si la religion était basée sur la raison, alors la partie inférieure des roufs aurait été plus en droit d'être essuyée que la partie supérieure, c'est-à-dire le plat du pied au-dessus. Mais j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam essuyer le dessus de ses roufs, apporté par Abu Daoud avec un isnad Hassan. Donc avant même de rentrer dans le sujet, il faut comprendre que ce athar est une leçon énorme aux religions, que la religion n'est pas basée sur la raison à la base, qu'elle est basée sur les textes. Les textes qui sont le Coran et la Sunna, en premier lieu la Sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'on a trouvé comme ijma' et comme qiyas, analogie valide. Et que ensuite la raison vient après cela. On ne fait pas prédominer la raison sur les textes. Sans qu'on tombe dans l'égarement comme le sont tombés beaucoup de sectes qui font prédominer leur raison sur les textes. En sont arrivés à même annuler des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme l'a bien dit Cheikh Al-Islam Taymiyyah, que la raison saine suit les textes authentiques. Il n'y a pas d'opposition. Il se peut que l'être humain, pour sa compréhension limitée, ne comprennent pas, ne savent pas certains sujets, cela ne veut pas dire que cela n'est pas conforme à la raison. C'est juste que lui, il est limité. La science d'Allah est trop grande pour nous, on ne peut pas tout cerner. Lorsqu'il y a une chose, on a compris, on va dire les sagesses à en tirer, alhamdoulilah. Si on n'a pas compris, c'est pas grave, on agit, on applique. Si on a compris le texte et comment l'appliquer, c'est ça le plus important. Qalu sami'na wa ata'na. Ils ont dit, nous avons entendu, nous avons obéi. Et le muslim, il est soumis. Naam. Donc si on ne comprend pas une chose, qu'on ne se mette pas à s'imaginer que la chose n'est pas bonne, sous prétexte que nous, notre raison ne l'accepte pas. C'est plutôt à nous de nous remettre en question. Qu'il y ait un khalel, il y a une défaillance dans notre compréhension. Peut-être qu'on est éprouvé pour des péchés, pour un manque de science, pour un manque d'adoration, et que Allah ne nous a pas accordé le tawfiq de comprendre un sujet. Mais si le texte il est là et qu'il est clair, on l'applique. Et il se peut que par la suite, Allah nous fasse comprendre. Le comprendre en soi n'est pas le but. Le but, c'est d'appliquer. Avec une intention sincère. En premier lieu. Naam. Donc, ce athar démontre clairement. D'accord? Il dit, al-masa'ilu wal-ahkamu al-mustafalatu min al-hadithi. Mas'alatun. Mas' zahir al-qadam wa ba'atini. Donc, il dit, le fait d'essuyer le dessus du pied et son intérieur, c'est-à-dire en dessous. Donc il dit que le hadith de Mughira al-Mutaqaddam, le hadith précédent de Mughira ibn Shu'ba, démontre clairement que l'essuyage a lieu sur la partie supérieure du pied, la partie apparente du pied, et que cela suffit. Quant à l'ajout qui est venu dans le hadith, nous avons dit qu'il était faible. C'est quoi l'ajout ? L'arba'ati anhu illa an-nasai anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam masaha ala al-khuf A'la al-khufi ou asfala. Que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam essuyait le dessus de son khuf et en dessous. Et on a dit que le hisnad il était daif. Donc la parole authentique c'est qu'il suffit d'essuyer au-dessus. Tout simplement. Le plat, on va dire le dessus du pied. Naam. Après il dit mas'alatun. Kam wal qadru al-mujdi'u fil mas'hi. quelle est la quantité suffisante rendant valide l'essuyage. C'est-à-dire combien du pied doit-on essuyer pour dire que le mas il a été fait et que l'eau est authentique et valide. Donc ici t'as la divergence en premier lieu, que d'abord Al-Shafi'i et ses partenaires et d'autres voient que toute chose qui est appelée essuyage mas suffit. Même si c'est peu. D'accord? Même si c'est peu, à partir du moment où la chose est restée al-mas, on appelle ça mas, alors c'est valide. D'autres disent qu'il faut essuyer la majorité du pied. C'est-à-dire la partie apparente, supérieure. Et d'autres disent, comme Abu Hanifa, qu'il est obligatoire de faire au minimum l'équivalent de 3 doigts. Et le Shir, Abu Abdillah ibn Hizam, il dit qu'il n'y a aucun texte authentique qui vienne pour définir la quantité rendant valide le mas. Donc la parole qui paraît la plus vraie, la plus proche de la vérité, c'est celle de Shafi'i. Que tout ce qu'on appelle comme étant un essuyage, c'est valide. On dit bien essuyage. Par exemple, demain, quelqu'un il pose son doigt sur son pied. Par exemple, après il l'enlève, ça c'est pas un essuyage. Ça c'est un toucher, c'est un contact. Essuyage, on sait c'est quoi un essuyage en langue française. Et en arabe, c'est la même chose, c'est le même sens. À partir du moment où on a essuyé, ne serait-ce que même 1 centimètre, ça a été un essuyage, bismillah, c'est valide. C'est compté comme étant un mas. Après, il dit, mas'alatun al-iqtisar ala mas' asfal al-khuf aw a'la. Le fait de se contenter de n'essuyer que la partie inférieure ou bien supérieure du pied. Et bien entendu, la parole authentique, c'est que la partie inférieure du pied, celle-ci n'est pas valide. Pour preuve de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Que celui qui œuvre, qui fait une action ne faisant pas partie de notre religion, de notre affaire, cela est rejeté. Donc le hadith a bien stipulé clairement que c'est la partie supérieure du pied qu'il faut faire. Donc il n'y a pas lieu de venir essuyer en dessous également, ou même en dessous tout seul. Si encore on fait les deux ensemble, le fait d'avoir fait au-dessus suffit. Mais quelqu'un qui vient essuyer en dessous seulement, alors son essuyage n'est pas valable. Il n'est pas valable. Quel sera opposé au texte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment faire, c'est-à-dire au-dessus. Et il rapportait une parole de Ibn Qudama dans le Mughni, qui dit qu'on ne connaissons personne qu'ils disent que le mas sous les pieds, tout seul, rende valable, rende valide l'essuyage. D'accord? À part certains, vite fait, parmi les gens de Shafi'iyya, et de personnes qui ont confondu parmi les ashabs de Malik. Donc le fait d'essuyer tout seul en dessous, il ne connaît personne qui ait vu que cela était valide. Ce qui est valide, c'est le partie supérieure. Celui qui fait les deux ensemble, comme on l'a dit, c'est valable. Mais bien entendu, la partie, le fait de faire en dessous n'a pas lieu d'être. C'est un ajout. C'est un ajout, car on n'a aucun texte qui appuie et qui démontre le fait d'essuyer en dessous. Donc, on se contente d'essuyer au-dessus. Bismillah ta'ala. Et cela rendra valide l'essuyage. Après, il dit, mas'alatun al-mas'hu ala al-aqb. C'est-à-dire le fait d'essuyer derrière le pied. D'essuyer derrière le pied. Toujours une parole d'Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, où il dit que le jugement de l'essuyage du derrière, la partie derrière du pied, c'est-à-dire sur le rouf, c'est le même jugement que le fait d'essuyer la partie inférieure du pied. Il n'y a aucun texte. Donc cela n'est pas valable. D'accord? Cela ne rend pas valide le mas. Même, on va dire, les côtés, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui n'est pas la partie supérieure du pied, et apparente du pied, au-dessus du rouf, bien entendu, tout cela n'est pas valable. Il n'y a aucun texte, aucun dalil, pour celui qui agirait de la sorte. Après, il dit, mas'ala, mas fawq al-ka'b min al-khuf, ou mas batini alladhi yali al-bashara. Le fait d'essuyer au-dessus de la cheville, sur le rouf, et le fait d'essuyer à l'intérieur. Il rapporte une parole de Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui dit que celui qui agit de la sorte, son ozo, ou plutôt son mas, ne serait pas valide. Et cela avec ittifaq, c'est-à-dire unanimité. Naam. Donc bien faire attention à ça, car celui qui viendra faire un mas invalide, sa salade se verrait également invalide. Il faut bien faire attention, car l'eau d'eau, la purification, on l'a cité, c'est parmi les conditions de la salate. Parmi les conditions de la salate, être en état de purification, à la tahara. Donc bien être méticuleux et prendre soin de bien faire la chose. Aussi simple soit-elle, la faire comme il faut, selon la législation, bien entendu. Tamam ? Donc voilà. Ça, c'est l'actafi bihada al-yom, car les hadiths qui suivent, inshallah, sont liés. Donc pour ne pas avoir à couper le sujet qui viendra, hein, inshallah, on les lira ensemble. طيب فنكتفي بها ونقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.